Satara, tu verras qu'en réalité, au début, c'était pareil, j'étais dans le Doulos pour apprendre les moutons. C'était. On avait du. Comment dirais-je? On faisait des efforts pour apprendre les moutons, tout ça, tu vois. Dans l'Aqida surtout, dans le Tawhid, le Salasa, le Code Arba'a. هذا كتاب التوحيد غير ذلك من الاحاديث اي ام en tant qu'on a fait le Coran dès qu'on trouvait justement ces adillah on était trop content tu vois dès que tu vois sur la sourate dans laquelle tu avais surtout dans le usul salasa adillah dil wala al baras tu le trouves surtout dans le juz subhana lillah à la fin de al mujadala jusqu'à vers tahrim on a beaucoup et tu te rends compte en fait que si quitte à fournir un effort, eh ben l'effort pour fournir le Coran. Car là-bas, c'est là, tous les délais ils sont là, quoi, tu vois. T'as des gens, tu vas voir, ils vont prendre plein de moutons. C'est bien, tu vois. On ne dit pas. Maintenant ici, plein d'adillah, le Coran ne connaît pas bien. On dirait là. À la base, tout ce que tu apprends là, les moutons, ils sont aussi vient d'où? Du Coran et de la Sunna. Si tu apprends le Coran, خلاص, tous les moutons et les adilés sont avec toi. Tu as juste à toi après à Rattab. Attraper que telle ayah, dans ce sujet, et après tu verras toutes les ayahs qui ressemblent, hop, tu en auras en plus. Dans un mode, tu as un dalil, avec le Coran, tu en auras peut-être 15 d'ayah. Tu vois, qui sont dans le même sens que ce verset-là, ainsi de suite. Donc, le baraka fait hizr le Coran. Et au début, ça nous paraissait vraiment un truc. Tu dis à quelqu'un pour le Coran par cœur, elle disait, oh là là, c'est pour eux, c'est. Gravir une montagne, tu vois. Et en réalité, c'est une chose qui, lorsque tu trouves la himma et que tu avances, tu vois que Allah il t'ouvre les portes, tu vois. Tu vois qu'Allah il t'ouvre les portes. Il y avait un frère pareil, il était comme ça, avec le Coran il avait du mal. Et après il commence à y prendre goût. Et il n'est pas fini deux ans à main. Il y avait une halaqa dans laquelle il faisait surat al-Baqara. Il n'est pas fini deux ans à main encore. Il voulait faire des doulous au Coran avec un prof. Il a du mal à jouer tout ça, il a du mal à prononcer. Et on lui a dit, va dans la haraka avec un tel, là, et fais le Coran avec lui. Il a dit, ils sont dans le surat al-Baqara. J'ai ma fin du Zamma. Il dit, toi, quel. Il l'a pris en cours. Il ne sait même pas arrivé au premier hizb par là, tu vois. Il raconte. Et il faisait une demi-page par jour. Le prof faisait talqin. Eux, ils répétaient chacun leur tour. Et le lendemain, il devait arriver avec le hizb. Sur la Baqara, ou lui il faisait de... Non, il avait laissé du Zahmar, il rentrait avec eux, tu vois. Et ils étaient déjà au début de Surat al-Baqara, dans le premier hizb, à peu près. Encore au début. Au premier quart, par là, tu vois. Et le prof, il faisait talqin toujours une safha, une demi-page. Il lisait, le prof, et après, chacun devait lire la page, tu vois. Il a dit, pour demain, on le prenait par cœur, c'est ça. Donc, pour le lendemain, ils venaient, ils faisaient tous ce tasmir, ce qu'ils ont appris par cœur. Et comme ça, il a avancé. C'est ce qui soit arrivé, yo, avec le prof, avant la fin, il y a eu des événements que le prof il venait plus. Il y a des empêchements. Et comme il était lancé, il a dit, ah, je vais finir. Il a fini tout seul sur le Baqara. Et après, il a renoué des muscles, il avait manqué. Il a pris sur le Baqara par cœur. Et après, il s'est dit, si j'ai pris sur le Baqara, je pense que je suis sur le Coran, Inch'Allah. Et après, il a continué. Il a fini tout, et deux ans, il n'est pas fini. Pour dire, il est arrivé jusqu'en bas. Ça, ça veut dire. Donc, pour dire, il ne faut pas que les gens ils s'imaginent que. C'est vrai que ça paraît vraiment dur. Mais en réalité, Allah, il a fait le Coran. Quand tu es grand. Des fois, quand quelqu'un fait un tasmir de Coran, tu dis, ah, ça va être trop dur, là, il y a trop de versets qui se ressemblent. Là, les dommages, viens là, la fatha, viens là, là, j'y arriverai pas et tout. Et quand tu vois, tu te mets toi à l'apprendre, cette partie-là, tu dis en fait ça va. Non. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si dur que ça. En fait, c'est Shaitan qui te fait peur. Il dit regarde, t'arriveras jamais, le verset ressemble à celui-ci, celui-là, celui-là, tu vas t'embrouiller, tu pourras pas. Ton cerveau n'aura pas la place pour te rentrer. Tu vois, t'as trop de bêtises à sortir d'abord. Tu vois. Il te sort des chibouettes comme ça. Et au final, tu te dis en fait non, le Coran, quand il vient, c'est lui qui sort les choses qui ne servent à rien. Et il y a dans ton cœur. Quand il y a trop fait calbique. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur. Celui qui peut nous chercher. القرآن في بركة Dans ce cas, c'est juste le Coran. Si je regarde le Coran, eh ben, j'aime tous les moments que j'ai en dehors des durus, ce sera sur le Coran. Je sais pas faire d'autres choses, tu vois. Peut-être un dors en arabe, et encore si j'arrive à bien le réviser, c'est. Ça. C'est pour ça que là, je laisse un peu sur le côté, je fais Mouraja à fond. Au début, c'est comme ça. C'est comme une riyada. C'est comme un sport. Dans le sens où au début, t'es pas habitué. Tu vois. Donc t'as un peu du mal. Regarde quand on faisait de l'endurance à l'école, je ne sais pas si tu en as fait à l'école, les cours de l'endurance, je détestais cela, l'endurance. Moi, j'aimais courir, un ballon, pas de problème. Courir comme ça, tout seul dans le vent, j'avais horreur de ça. Bref. Quand on a commencé l'endurance, au début, le prof disait, aujourd'hui, vous allez courir 5 minutes. Je sais pas, 2 tours de piste, peut-être, tu vois. Les grandes pistes, 400 mètres, là. Et au début, quand on est fini, on était essoufflé, tu vois. Après, la séance d'après, vous allez courir un quart d'heure. Courir un quart d'heure. Dans ce sens après, vous allez courir 20 minutes. Et on voit que le quart d'heure qu'on a fait, après les 5 minutes, elles sont passées comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Et quand on a fait les 20 minutes, le quart d'heure, il est passé comme ça, on ne s'est même pas rendu compte. Tu vois. Et après, à chaque séance, vous courez 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais plus c'était combien. Et après, tu vois que c'est facile. Les 5 premières minutes qu'on a fait, elles étaient bien plus éprouvantes que les 20 minutes qu'on faisait au final. J'avais pas l'endurance, mais pour te dire la facilité. C'est-à-dire qu'en fait, ton corps il s'habitue. Et ton cerveau c'est pareil. Quand tu l'habitues à mémoriser, tu verras aujourd'hui, tu vas mémoriser par exemple 2 versets. Tu vas les répéter, répéter, répéter, tu auras du mal. Après tu vas passer une demi-page. Après tu vas passer une page entière. Et des fois tu vas lire une page seulement comme ça. Tu vas lire 5 fois ça dans ta tête. C'est pas moutkin, tu vois, mais tu auras déjà un aperçu général. Après il faut que tu la répètes pour bien la maîtriser. Et aussi, plus tu vas comprendre l'arabe, bien sûr, et plus ça va te faciliter. Parce que quand tu mémorises ce que tu ne comprends pas, c'est dur. C'est vrai. Donc les deux, ils vont ensemble. La langue arabe, tu vois. Et ta langue arabe, justement, c'est un mumarasa. Le hifz al-Qur'an, ce que tu apprends en langue arabe, tu le vois. Parce que c'est quoi le but de la langue arabe? C'est quoi le but? C'est pas avec les gens dans la rue. C'est ifham al-kitab wal-kitab wal-sunna. Tu vois. Donc, en fait, tu fais un tadbiq. C'est ce que tu apprends en langue arabe comme règle dans le nahou. Tu dis, pourquoi il y a une fatha ici? Tu réfléchis. T'as les arabes. Pourquoi il y a une dhamma ici? Après, tu comprends. Tu es super content. En plus, ça fait. Ça t'aide, tu vois. Tu te rappelles que là, ça peut être qu'une domma, ça peut pas être autre chose. Tu vois. Tu dis, avant, je disais fatha, je disais n'importe quoi, en fait. Ça peut être qu'une domma, c'est un mutada ici, ou c'est un fa'il. Ça te paraît évident, tu vois. Ça te paraît évident. Donc ça t'aide. Tu vois. Ça t'aide. Et en même temps, le Coran, tu apprends le plus riche des vocabulaires, wa kalam Allah. La parole la plus éloquente qui soit. La parole la plus parfaite qui soit. Mais elle est parfaite, on va dire. On va pas dire plus, la parfaite qui soit. Donc, tout cela va t'amener à quoi? Ça va ensemble. La langue arabe va t'aider dans le hifz du Coran, et le Coran va t'aider dans la langue arabe. Et si jamais tu donnes le Coran et tu comprends, c'est magnifique. Des fois, je me rappelle, on faisait la salat avant, au tout début, il va me réciter, je ne sais pas ce qu'il disait. Quand il récitait par exemple Al-A'la, Sabbihisma Rabbika Al-A'la, ça paraissait long, super long, franchement. Maintenant que tu la comprends, tu dis, mais il n'y a rien. Tu vois, elle est courte la sourate. Elle était courte la sourate. Quand on faisait, par exemple, on faisait Talaouh avant en France, premières années, c'était physique. Et pourtant, ils faisaient Talaouh de. Même pas un djouz, comme tu as dit. En une heure, elle est finie. En une heure, elle est terminée. Tu vois. Et ça paraissait long, long, tu vois. Parce que tu comprends ce qu'il dit. Tu as vu ce qu'il prenait le Mosraf à côté en français, il faisait lire avec. Mais on était perdu, c'est pas ce qu'il est l'imam. Avant qu'on connaisse que le Moussa ne fallait pas le tenir dans la salat, c'était pas sunna, tu vois. Et après, quand tu commences à comprendre, tu fais Talaouh, on arrive à des Medj, le Talaouh, c'est pas pareil. C'est pas une heure, des fois, c'est. En Arakal, c'est pas une heure. Hein. Avec Cheikh Yahya, franchement, c'était. Voilà quoi. Des fois, c'est en nuit, 10 ajda, lui et Cheikh Ahmed Wasabi. Voilà. T'es là, tu te grattes, tu te grattes le front, tu te grattes le dos, tu plies ton genou, tu dis oh là là, tu vois. Et dès que tu vas commencer à baisser l'intonation, tu dis, il va faire recours. Et hop, il repart. Tu dis, la ilaha illallah. Mais on comprenait. Ça veut dire que le comment dirais-je, le Talaouh, à lui tout seul. Hein? Voilà, à bout d'un moment, ton esprit part. Tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive à tenir. Mais quand tu vois, quand tu entends l'imam, il reste, tu comprends ce qu'il dit, ça t'accroche. Ça te tient. Tu dis, alhamdoulilah, je comprends ce qu'il dit. Tu vois. Et ça, le but de Talaouh, c'est que ça rentre dans ton cœur, que tu entends. Et que ça imprègne sur toi. Alors, quand tu ne comprends pas, c'est dur. Donc le jahl, c'est ton pire ennemi. La ibadat, il te la rend lourde. Écoutez le Coran, tu ne comprends pas. Tu vois, le jahl, c'est ton pire ennemi par rapport à ça. Donc là, le chajer al-Nas, celui qui peut, franchement, le Coran, il apprend autant qu'il puisse. Et c'est que du khayr. Le Qiyamah, tout ce qu'il a mémorisé, il va s'élever en degré pour aller au Jannah. Plus il l'aura mémorisé, plus il va s'élever au Jannah. Et également la langue arabe. Les deux, ils vont ensemble. Mais prendre la langue arabe, pourquoi ? Pour comprendre le Coran et la Sunna. Donc, ne pas dire, ah, c'est dur, j'y arriverai pas. Fais. Fais. T'as aucun Allah, et fais. Et tu verras qu'Allah va t'ouvrir les portes. Non.